Jandino espérait rencontrer nous. Songeant même parler, nous pourrait recréer l'amour. Mais si musique besoin l'amour pour y exister. Bon Dieu, aidez-nous pour nous payer sacré Zouklo. Sentiment fou.